Je vous souhaite un très bel après-midi. Il est 13h30, voici Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 17 années plus tard, à l'heure des huiles solaires et autres onguents estivaux, nous vous invitons à replonger dans les eaux fraîches des archives. Bon, on ne sait pas si c'était mieux avant, en tout cas, ça donnait ça. Cette semaine, Madagascar. D'une insurrection à l'autre, une indépendance qui tarde à le montrer. Nizerai monima de Tsimametraka, Fitoki Senatateraka, Elegamata, Famanu Sekazi Futsne, Andeha Arakazihiti, Zi Ilan Vokaj. Même le bon Dieu ne peut pas satisfaire le monde. Les étrangers se sont retirés et les Malgaches, eux, continuent à s'interroger pourquoi ne réussissons-nous pas. La course-poursuite entre les puissances coloniales à propos de l'île de Madagascar finira par sourire à l'hexagone français, mais pas pour très longtemps. Si la France, au sortir du congrès de Berlin, prend apparemment définitivement le contrôle de l'île, elle va devoir faire face plus que jamais à des mouvements d'indépendance malgache auxquels elle opposera une politique de répression dure, mais sans jamais pouvoir en venir à bout. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France de la Libération, cofondatrice de l'ONU, proclame le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et fait savoir que le système colonial qu'elle a mis en place a vécu. Mais sur le terrain, c'est une toute autre affaire. L'insurrection éclate en 1947. De Gaulle n'est plus au pouvoir, il a démissionné, il a claqué la porte et entame sa traversée du désert à la recherche d'un idéal au-delà des partis politiques. Pour la France, ce pourrait être le début d'un second conflit colonial, le premier ayant éclaté juste avant, en Indochine. Pour Paris, il n'en est évidemment pas question. La répression va donc se montrer des plus dures. À Moramanga, on n'hésite pas à parler d'un oradour malgache. L'insurrection fera plus de 80 000 morts. 80 000 morts recouverts par une épaisse chape de plomb. On en parlera, mais seulement bien plus tard. Mais le désir de liberté est le plus fort. L'autonomie est inévitablement acquise dès 1950 et avec le retour de De Gaulle au pouvoir, un espoir naît. Chapitre 1. Menu du jour, l'indépendance. Topokvavi, Topoklali, Salamatopko. Nipana pour Kiev, Pierre Romage, Amin Diafale, Manche, Anero, Atou, Anatini, Tiboin, Fitanza, Tefapol, Fetam, C'est Air France. Du 20 au 29 août 1958, lors du voyage à Madagascar et de la tournée africaine, le général n'y passe pas par quatre chemins pour s'adresser à tous ceux qui réclament l'indépendance. Je veux dire un mot d'abord aux porteurs de pancartes. Je veux leur dire ceci. Ils veulent l'indépendance. Qu'ils la prennent. Oui. L'indépendance, que les porteurs de pancartes la prennent. Mais s'ils ne la prennent pas, alors qu'ils fassent ce que la France leur offre, la communauté franco-africaine. Qu'ils la fassent en toute indépendance de l'Afrique et de la France. Qu'ils la fassent avec moi. qu'il la fasse pour le meilleur et pour le pire. Les retards se sont suffisamment accumulés, il faut à présent agir vite. Madagascar devient une république semi-autonome dans le cadre de la communauté française. Le pays accède à l'indépendance en 1960. Trois signifie des trois clous de drapeau malgache. Le rouge, c'est l'ancien temps. Blanc, la colonisation vers la République. Parce que vert, c'est la nature. Et blanc, le français, tirait un coup de canon dans la ville de Tananarive. Et le malgache, montait le drapeau au blanc. Et le rouge, c'est le couleur royale. On peut de nouveau pratiquer le retournement des morts sans craindre le mépris moqueur des coloniaux. Eh bien, elle consiste en deux ou trois choses même. Il y a diverses occasions. Par exemple, la famille désire, c'est son grand but, avoir un tombeau. Un tombeau aussi somptueux et vaste que possible. C'est un vaste monument de pierre, une sorte de maison à demi ensevelie dans le sol. Et à l'intérieur sont disposés, de droite, de gauche et devant, des étages, sur des étages, des lits, ce qu'on appelle des lits, c'est-à-dire des vastes tablettes où on peut faire reposer ses morts côte à côte, non dans des cercueils, mais dans des suaires, qu'on appelle les lambamen. Au fond, retournement des morts ne veut pas dire grand-chose. On ne les met pas, disons, sur le dos alors qu'ils sont sur le ventre et vice-versa. Ça ne signifie rien de très concret pour moi. Je ne sais au fond pas pourquoi l'on a employé ce terme. C'est peut-être parce que les morts, lorsqu'on les sort du tombeau et lorsqu'on les y rentre, on les fait tourner, pivoter sur eux-mêmes, soit s'ils sont dans un... Par exemple, sur une civière, on fait balancer la civière, on fait une sorte de foxtrot hésitation, elle avance, elle recule, elle danse. C'est pour que les morts perdent le souvenir du chemin des vivants. Car, je l'ai dit, il est très désirable qu'on se mette sous leur protection, mais il ne faudrait pas que les morts prissent la liberté d'intervenir dans les affaires des vivants. On les craint malgré tout. Alors il faut les égarer. Mais il y a un moment très important. C'est le moment où vont commencer les fameuses représentations de Mpilalao. Les familles, en effet, engagent pour des spectacles qui peuvent durer jusqu'à 6 et 8 heures, des troupes professionnelles ou semi-professionnelles, ce qu'on pourrait appeler des baladins. Ce sont des musiciens, chanteurs et récitants. Les uns font de la musique, c'est-à-dire un accompagnement musical, et les autres récitent. Que récitent-ils ? Eh bien, de vastes épopées, mais des épopées familiales. Ce sont des drames de famille. Par exemple, on parlera des ravages dans un village, de la médisance. Et alors, on se dispose autour d'un terrain qui représente une sorte d'arène. La troupe, la première troupe, puisqu'il y en a deux en compétition, vient s'y disposer en cercle, tournée vers l'extérieur. Ça fait donc un vaste cercle avec une quinzaine de récitants. Puis au milieu, il y a les musiciens, tambour, violon. Un peu à l'écart, d'autres musiciens avec clarinette et instruments de cuivre. Et d'abord, un discours introduit le spectacle, présente la troupe. Qu'est-ce qu'on dit dans ces discours ? Eh bien, dans le discours, on présente la troupe avec une fausse modestie. On s'excuse d'être une si pauvre troupe, si misérable, d'avoir de si mauvais chanteurs. C'est très oriental. Vous savez que les Malgaches sont d'origine orientale. Et puis, on présente le spectacle. Ce sera d'abord le sujet dont on expose le sujet de la première récitation, du premier conte, si vous voulez. Et puis, on dit qu'il y aura ensuite, par exemple, des danses. Et puis ensuite un second conte, et puis peut-être même une petite pièce de théâtre, car quelquefois ça va jusqu'à l'opéra ou à l'ébauche d'une pièce de théâtre. Et puis alors, commencent ensuite les récitations sur un thème. Par exemple, nous avons entendu une fois une de ces récitations qu'on nous a traduites. Eh bien, il s'agit de l'histoire de deux jeunes amoureux. Les parents ne veulent pas que la jeune fille épouse celui qu'elle aime parce qu'il est trop pauvre. Et alors, on discute. La jeune fille dit que c'est Dieu qui le veut, que ce sort est marqué dans les étoiles. Les parents disent, oui, tout ça c'est bien joli, mais enfin, l'avenir, pas de bonheur sans argent. La fille dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Les parents disent, ben, il y contribue. Mais tout cela, naturellement, avec une éloquence. Et c'est un langage versifié, bien sûr. Pas d'improvisation. Pas d'improvisation. Les textes sont même écrits. Il y a des auteurs qui gardent l'anonymat. Mais le texte est écrit. Et tout le monde, les 15 chanteurs, récitent exactement la même chose en même temps. C'est une psalmodie. Extraordinaire, d'ailleurs, de volubilité et avec des éléments plus ou moins musicaux. Mais à côté de cela, il est question pour Madagascar de s'engager également dans la vie moderne, même si le train a déjà quitté le quai depuis un certain temps. Tant pis, on mettra les bouchées doubles. Le défi pour tous les pays qui sortent de l'emprise coloniale et accèdent à l'indépendance est le même. Philibert Tiranana devient le premier chef de gouvernement le 1er mai 59 à l'unanimité. Son slogan « Azafatsi Kabari », traduction « Travaillez, ne faites pas de discours ». On pourrait encore s'en inspirer. À côté de ses pratiques traditionnelles, Madagascar, à 12 000 km de Paris, veut vivre comme une nation moderne sous l'impulsion de son président de la République, Philibert Tsiranana. Phénomène unique et exceptionnel, Madagascar a accueilli avec une franchise évidente la main qui s'est tendue vers elle pour l'aider dans sa marche vers un avenir qu'on lui souhaite lumineux. Indépendante depuis août 1960, le 31 décembre 1961 va voir pour la République malgache l'achèvement d'une année entière d'indépendance, dans la communauté. Le bilan de cette année d'indépendance, c'est le président de la République de Madagascar qui le fait ce soir à ce micro. Eh bien, je peux vous répondre en disant que je suis content de cette année. Mais dire que tous les désirs sont réalisés, c'est difficile à dire car même le bon Dieu ne peut pas satisfaire le monde. Mais je peux vous répéter que je suis quand même content de l'année 1961. Nous avons démarré, depuis notre indépendance, à faire avancer notre pays au point de vue économique. Je crois que le démarrage est encourageant. Si vous vous souvenez, il y a déjà quelques jours, nous avons inauguré l'usine de montage, si vous voulez, des voitures. Renault, et le même jour, la compagnie citoyenne m'a signalé aussi qu'ils vont monter aussi, et qu'ils pourront même monter des voitures au mois de janvier. Et non seulement ça, mais si vous étiez ici il y a 2 ans, vous aurez pu remarquer que nos entrepreneurs étaient même en difficulté. Or maintenant, ils débordent des travaux, ce qui signifie que notre pays a bien démarré. Le socialisme malgache du président Tsiran s'efforce en effet de résoudre les problèmes du développement en apportant des solutions économiques et sociales adaptées au pays. C'est un socialisme pratique humain qui ne se préoccupe pas des grandes théories. Bien sûr, il y a du plan quinquennal dans l'air, bien sûr, il y a le souci de développer l'esprit collectif, notamment dans le monde rural, mais le gouvernement malgache ne verrouille pas ses portes. Évitant de jouer la carte de l'autarcie, il admet ô combien la coopération des investisseurs extérieurs et garantit les investissements étrangers. De fait, un certain climat de confiance règne à Madagascar au cours de cette première république. Quant aux missionnaires, dont un assez grand nombre se trouve encore sur place, eh bien ils continuent leur travail, non sans quelques incertitudes tout de même. Nous sommes dans la mission centrale ici et nous avons 42 petites chapelles des petites chrétientés de Brousse que nous visitons régulièrement, 4 fois par an. Vous vous rendez comment dans ces différents endroits ? Oh, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de se rendre à pied. Vous êtes en quelque sorte un nouveau pèlerin ? À peu près, oui. Comme au Moyen-Âge, on allait jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous faites des trajets qui correspondent à quoi ? Oh, une moyenne de 100 à 120 km par mois. C'est-à-dire que je reste une douzaine de jours en brousse. Je visite une moyenne de 12 à 15 petits fiangoun, petites chrétientés. Est-ce que le message chrétien est toujours entendu ? Est-ce qu'ils sont toujours plus nombreux, ceux qui vous écoutent ? Il y a toujours une assistance assez importante, mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de païens à s'unir actuellement. Ils nous respectent, ils viennent nous recevoir quand on arrive dans la nouvelle chrétienté. Mais après cela, la plupart de ceux qui sont païens retournent à leurs occupations. Est-ce que vous pensez dès lors toujours que la mission, au sens strict du terme, est une chose aujourd'hui, en 69, utile et nécessaire ? La mission, il faut continuer, évidemment, évangéliser. Évidemment, à certains moments, on a l'impression qu'on perd un peu son temps quand on pense à tous ces kilomètres qu'on fait dans la boue. Et ma foi, on ne voit pas avancer beaucoup le christianisme. On se demande si on ne perd pas quelquefois son temps. Dans quelques instants, retour sur Madagascar. Le pays Entendreuil souffre de sécheresse chronique et d'un cruel manque d'eau potable. Seule l'eau de mer salée, impropre à la consommation, s'étend à perte de vue autour de la Grande Île Rouge. Cette chanson fait le constat de cette situation paradoxale, cause des souffrances du peuple des épines. Vaovi interprète Ranobé. La nouvelle menée de Timon et la nouvelle. sur la première. Cette semaine, Madagascar. D'une insurrection à l'autre, une indépendance qui tarde à le montrer. Chapitre 2. Enfin libre. On peut rêver. La politique menée après l'indépendance par le président de Cyrano au cours des 10 années de la Première République installe sur l'île Rouge un climat de stabilité et de paix aux antipodes du climat de fureur et de violence qui régnait en 1947, l'année de l'insurrection. Les relations ont été reprises avec la France, mais également avec les pays du marché commun ainsi que les États-Unis. Mais une opposition au régime du président fait peu à peu entendre sa voix. Désireuse d'ouvrir le pays au bloc de l'Est, dans un esprit de neutralisme positif, comme on dit à l'époque, cette opposition fait ainsi remarquer qu'en 10 ans, Madagascar n'a ouvert aucune ambassade dans les pays satellites de Moscou. L'opposition insiste surtout sur le point faible de Madagascar, le niveau de vie. Soucieuse de mettre en pratique son programme de socialisme scientifique, le leader de l'opposition s'exprime en 1970 sur les ondes de la radio romande. Détail qui a son importance, M. Andria Mangiato, en dehors de la politique, est pasteur. Je dirais qu'il y a certainement un déphasage dans la conception européenne et la conception africaine. Et dans cette optique-là, il y a effectivement des dimensions qui ne sont pas les mêmes. Lorsque nous parlons, par exemple, de développement, il y a une double dimension dans le développement quand on se situe sur le plan européen ou sur le plan des pays nantis. Il y a une dimension qui rattache tous ces pays entre eux, en ce sens qu'il y a une course qui ne s'arrête pas vers un mieux-être toujours à développer, vers une position toujours de plus en plus grande de la technique et de l'évolution. Et nous savons qu'il y a déjà eu 3 révolutions techniques depuis le début du siècle, en ce qui concerne donc l'évolution industrielle, l'évolution dans l'électronique, l'évolution maintenant cosmonautique. Et tout cela fait qu'il y a une course qui ne s'arrête pas. De l'autre côté, il y a la dimension qui met les pays européens en relation avec les pays à développer. Or, les Africains pensent que c'est un droit pour eux, Africains, de revendiquer qu'une certaine partie des possibilités des pays nantis puisse être affectée à l'aide pour les pays en voie de développement. Et je me souviens que lorsqu'on avait tenu notre réunion à Genève, il y avait des conférences qui ont été données par des spécialistes des questions économiques, et on a repris cette notion de l'impôt donc qu'on devrait accepter dans les pays nantis pour que l'on puisse mettre tout cela dans une caisse internationale qui serait destinée au développement harmonisé et rationnel des pays en voie de développement. Mais on doit reconnaître que ces idées, bien qu'elles soient claires, précises, nettes, n'avaient pas toujours rencontré, si vous voulez, l'écho qu'elles auraient dû rencontrer dans les pays nantis. De là à penser que les pays nantis se ficheraient des pays pauvres comme d'une guigne, il ne pourrait y avoir qu'un pas. En tout cas, il n'y a pas loin. Certes, l'impôt n'a pas été retenu, mais il n'empêche, Madagascar est un point stratégique non négligeable sur l'échiquier politique de ces années 70. Et ce n'est sans doute pas un hasard si, peu après la réélection de Philibert Tirane, en janvier 72, des grèves, des manifestations éclatent, éjectant du pouvoir le président et installant à sa place un militaire répondant au nom de Philibert, Ramanan Tsoa. Pour Madagascar, le vent va bientôt souffler à l'est. Les accords franco-malgaches vont être révisés à la baisse par l'intermédiaire de celui qui deviendra sous peu le président de l'île, Ratsirak, mais qui n'est pour l'instant encore que ministre des Affaires étrangères. Les militaires français sont priés gentiment de rentrer chez eux. les relations diplomatiques changent de cap, les impôts sont abolis, les anciennes compagnies coloniales deviennent des sociétés d'intérêt national. Ratsirak au pouvoir, le programme politique de l'île affichera dès lors son cap en termes clairs et sans équivoque, tout au moins apparente, démocratisation, malgachisation et décentralisation, également accord de coopération avec les États socialistes, autogestion ouvrière, réforme agraire, nationalisation des biens français et des secteurs économiques vitaux. Comme on dit, c'est tout un programme. C'était Histoire vivante. Documentation et archives à la Radio Suisse romande, Josette Suyot. Programmation musicale, Yves Lenzi. Réalisation, David Golan. Voix féminine et assistance à la production, Daniel Zacker. Équipe de production à la TSR, Irène Chaland, assistée de Corinne Rocha. Une émission de Jean Leclerc. À demain pour d'autres chapitres. Vivante, une émission proposée par Jean Leclerc. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.